Dieu, Dieu des palais, gardez-nous la France aux Français. La France pure, la France dure, la France ancienne que j'aime. Aux traditions, à la religion, aux certitudes, la France dure, la France pure, la France dure, la France des gens qui croient au temps. La France de Dieu, Dieu des palais, garde-nous la France, les Français. La France de Dieu, Dieu des palais, garde-nous la France aux Français. La France honnête, pour sa fête, la Sainte Jeanne, son cœur, sa flamme. La France d'avant, la France du temps, race de géants, guerre de sang. À la religion, aux certitudes, la France dure, la France pure, la France dure, la France des gens. Gardez-nous la France aux Français.